Yeah. Toujours ensemble. Oh oh oh oh. Day one. Yeah. Merci Sketch. Yeah. Let's go. Hey, ça fait longtemps. Et d'après le regard des gens, je sais qu'ils attendent le jour où on sera plus ensemble. On a battu le record, ce que tu proposes c'est fort. Ils l'ont souhaité, ça échouait. J'suis pas fatigué, t'aimais. À tes caprices, moi j'ai cédé. Dieu merci d'avoir rencontré. J'vais pas t'abandonner. J'sais que tu m'aimes, j'le vois. Everyday, et t'es dans ma tête. Donc j'veux pas te perdre, non, non. Toi t'es plus qu'une meilleure amie. T'es la cause de toutes mes insomnies. Pour le meilleur, pour le pire, j'ai dit oui. Moi j'peux pas faire sans toi, non. Non, je te veux que pour moi. Yeah. Ça arrêtera jamais. Non, je te veux toute ma life. Yeah. T'es mon témoin. Yeah. T'es ma vie. Yeah. Non, non, ça arrêtera jamais. Non, moi je peux pas faire sans toi. Non, baby, t'es ma vie. Yeah. Ok, j'avais déjà la vision sur nous. Avant de commencer, j'aimerais revivre notre première fois. Comment on fait? T'es la numéro un chez moi. Et ça me plaît. Yeah, you my wifey. Oh yeah. J't'ai donné mon nom de famille. Ça y est. La solution à ma vie, baby. Hey, ce soir on s'unit. T'es pas là, j'm'ennuie. Toi t'es plus qu'une meilleure amie. T'es la cause de toutes mes insomnies. Yeah. Pour le meilleur, pour le pire, j'ai dit oui. Moi j'peux pas faire sans toi, non. Non, j'te veux que pour moi. Yeah. Ça arrêtera jamais. Non, j'te veux toute ma life. Yeah. T'es mon témoin. Yeah. T'es ma vie. Yeah. Non, non, ça arrêtera jamais. Non, moi j'peux pas faire sans toi, non. Baby, t'es ma vie. Pas sans toi, non. Moi, j'te veux toute ma life. Jamais. Moi, j'te veux toute ma life. Jamais. Baby, j'veux que toi. Baby, je veux que toi. Non, non, non. Baby, je te l'ai dit. Que toi, yeah. C'est toi ma vie, baby. Baby, oui, t'es ma vie. Baby, comment je fais si tu veux pas, yeah. Non, me laisse pas. Non, me laisse pas. Me laisse pas comme ça, yeah. Baby, t'es ma vie, t'es ma vie, t'es ma vie.